laisse un peu. Mais dans 20 km ou deux, dans un petit bar, il y a du feu. Et toi, tu dors sur l'autoroute, fatigué, énervé, sans doute. C'est lisse un peu. Dans un kilomètre ou deux, après le village, au mirage, un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute. Un kilomètre peut-être, et puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es appuyé sur moi. Un virage à droite un peu sec, tes plaques à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans à-coups, ton visage sur mon cou. Passeront les jours, les semaines, les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Chacun des gestes de ta vie, je t'aimerai aussi. Le brouillard se dissipe un peu, l'essuie-glace passe et repasse, en laissant les traces devant mes yeux, des lumières au travers des phares, le village là-bas, le bar. Me tenant ta tête, je m'arrête sur le bas-côté près du café, et dans un bruissement d'abeilles, le silence peu à peu t'éveille. Le sanguiné, fatigué, sommeil de toi. Je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. N'en finisse pas. N'en finisse pas, n'en finisse pas. Ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement. 有一天会跌倒。Oh, no. Je t'aime, chanter tout le temps, ou pour implorer le ciel en son, en une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que le silence se brise en haut des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades. Sans s'arrêter et faire s'unir nos voix, non, faire s'unir nos voix, trouver qui en est, chanter quelqu'un qui s'en va. Pour ne pas cesser de. Oh, Johnny Hallyday, ça fait un peu. Savoir ce inconnu qui passe, n'en garder aucune trace, sinon ça déplaisait. Si tu veux m'essayer, même une semaine, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Je me ferai tant de voisins, de je me ferai sorcier. Je te même essayer. football. Quoi, c'est d'accord? Thank you. pardon, moi c'était autre chose, moi c'était... Mais on peut faire ça. Très molle. Thank you. cette version molle. Thank you. petite touche. Sympa. Thank you.